Chapitre 3 Les mystères de Dolph Dan Radcliffe Saint-Aubert, au lieu de prendre la route directe qui conduisait en Languedoc, en suivant le pied des Pyrénées, préféra un chemin dans les hauteurs, parce qu'il offrait des vues plus étendues et des points de vue plus pittoresques. Il se détourna un peu pour prendre congé de M. Barrault. Il le trouva herborisant près de son château. Et quand Saint-Aubert lui eut expliqué le sujet de sa visite et son dessein, il témoigna une sensibilité dont son ami ne l'avait pas cru capable. Ils se quittèrent avec un mutuel regret. « Si quelque chose m'avait pu tirer de ma retraite, dit M. Barrault, c'eût été le plaisir de vous accompagner dans cette petite tournée. Je ne fais point de compliments, et vous pouvez me croire. J'attendrai votre retour avec grande impatience. » Les voyageurs continuèrent leur route. En montant, Saint-Aubert se retourna et vit son château dans la plaine. De tristes idées s'emparèrent de son esprit, et son imagination mélancolique lui suggéra qu'il ne devait point y revenir. Il rejeta cette pensée, mais il continua de regarder son asile jusqu'au moment où la distance ne permit plus de le distinguer. Émilie resta ainsi que lui dans un profond silence, mais après quelques lieues, son imagination, frappée de la grandeur des objets, céda aux impressions les plus délicieuses. La route passait tantôt le long d'affreux précipices, tantôt le long des sites les plus gracieux. Émilie ne put retenir ses transports. Quand, du milieu des montagnes et de leurs forêts de sapins, elle découvrit au loin de vastes plaines qu'ornaient des villes, des vignobles, des plantations en tout genre. La Garonne, dans cette riche vallée, promenait ses flots majestueux, et du haut des Pyrénées, où elle prend sa source, les conduisait vers l'océan. La difficulté d'une route si peu fréquentée obligea souvent les voyageurs de mettre pied à terre, mais ils se trouvaient amplement récompensés de leur peine par la beauté du spectacle. Pendant que le muletier conduisait lentement l'équipage, ils avaient le loisir de parcourir les solitudes et de s'y livrer aux sublimes réflexions qui élèvent l'âme, qui l'adoucissent, qui la remplissent enfin de cette consolante certitude qu'il y a un Dieu présent partout. Les jouissances de Saint-Aubert portaient l'empreinte de sa pensive mélancolie. Cette disposition prête un charme secret aux objets et attache un sentiment religieux à la contemplation de la nature. Il s'était précautionné contre le manque d'hôtellerie en portant des provisions dans la voiture. Ils pouvaient donc prendre leur repas en plein air et se reposer la nuit partout où ils trouveraient une chaumière habitable. Ils avaient aussi fait des provisions pour l'esprit. Ils avaient un ouvrage de botanique écrit par M. Barrault et plusieurs poètes latins ou italiens. Émilie, d'ailleurs, emportait ses crayons et esquissait par intervalles les points de vue dont elle était le plus frappée. La solitude de la route augmentait l'effet de la scène. À peine rencontrait-on de temps en temps un paysan avec ses mules, ou quelques enfants qui jouaient dans les rochers. Saint-Aubert, enchanté de cette manière de voyager, se décida, s'il pouvait trouver un chemin, à avancer toujours dans les montagnes, et à n'en sortir qu'en Roussillon, près de la mer, pour gagner ensuite le Languedoc. Un peu après midi, ils atteignirent le haut d'un sommet élevé qui dominait une partie de la Gascogne et du Languedoc. On jouissait en ce lieu d'un épais ombrage. Une source jaillissait, et s'enfuyant sous les arbres à travers le gazon, courait se précipiter de cascade en cascade. Son doux murmure, enfin, se perdait dans l'abîme, et la vapeur blanche de son écume servait seule à distinguer son cours au milieu des noirs sapins. Le lieu invitait au repos. On se mit à dîner. On détela les mules, et le gazon qui croissait alentour leur fournit une ample nourriture. Le repas terminé, Saint-Aubert prit la main d'Émilie et la serra tendrement sans rien dire. Bientôt après, il appela son muletier et lui demanda s'il connaissait une route dans les montagnes qui pût conduire en Roussillon. Michel lui répondit qu'il y en avait plusieurs, mais qu'il les connaissait fort peu. Saint-Aubert, qui ne voulait voyager que jusqu'au coucher du soleil, demanda le nom de quelque hameau voisin et s'informa du temps qu'il mettrait à l'atteindre. Le muletier calcula que l'on pouvait gagner Matot, mais que, si l'on voulait se jeter au sud, du côté du Roussillon, il y avait un village où l'on arriverait avant même le coucher du soleil. Saint-Aubert prit ce dernier parti. Michel finit son repas, attela ses mules, se remit en route, et l'instant d'après s'arrêta. Saint-Aubert l'aperçut, qu'il saluait une croix, plantée sur la pointe d'un rocher au bord du chemin. La dévotion finie, il fit claquer son fouet, et sans égard ni pour la difficulté du chemin ni pour la vie de ses pauvres mules, il les mit au grand galop, au bord d'un précipice dont l'aspect faisait frissonner. L'effroi d'Émilie la priva presque de ses sens. Saint-Aubert, qui redoutait encore plus le danger d'arrêter soudain, fut contraint de se rasseoir et de tout abandonner aux mules, qui parurent plus sages que leurs conducteurs. Les voyageurs arrivèrent sains et saufs dans la vallée et s'arrêtèrent sur le bord d'un ruisseau. Oubliant désormais la magnificence des vues étendues, ils s'enfoncèrent dans cet étroit vallon. Tout y était solitaire et stérile. On n'y voyait aucune créature vivante que le bouquetin des montagnes, qui parfois se montrait tout à coup sur la pointe élancée de quelque rocher inaccessible. C'était un site tel que l'eût choisi Salvatore Rosa, s'il eût existé. Alors Saint-Aubert, frappé de cet aspect, s'attendait presque à voir débusqué de quelque caverne voisine une troupe de bandits, et tenait la main sur ses armes. Cependant, ils avançaient, et la vallée s'élargissait et prenait un caractère moins effrayant. Vers le soir, ils se retrouvèrent sur les montagnes, au milieu des bruyères. Loin autour d'eux, la clochette des troupeaux, la voix de leurs gardiens, était l'unique son qui se fit entendre, et la demeure des bergers était l'unique habitation qu'on découvrit. Saint-Aubert remarqua que l'yeuse, le liège et le sapin végétaient les derniers au sommet des montagnes. La plus riante verdure tapissait le fond de la vallée. On voyait dans les profondeurs, à l'ombre des châtaigniers et des chênes, paître et bondir de riches troupeaux, dispersés, groupés avec grâce. Les uns dormaient près du courant, d'autres y étanchaient leur soif, et quelques-uns s'y baignaient. Le soleil commençait à quitter le vallon. Ses derniers rayons brillaient sur le torrent et relevaient les riches couleurs du genêt et de la bruyère en fleurs. Saint-Aubert questionna Michel sur la distance du hameau qu'il avait annoncé. Mais celui-ci ne put répondre avec exactitude. Émilie commença à craindre qu'il ne les eût égarés. Il n'y avait pas un être humain qui pût les secourir ni les conduire. Ils avaient laissé depuis longtemps et le berger et la cabane. Le crépuscule se brunissait à chaque instant. L'œil ne pouvait en percer l'obscurité et ne distinguait ni hameau ni chaumière. Une raie colorée marquait seule l'horizon et c'était l'unique ressource des voyageurs. Michel s'efforçait d'entretenir son courage en chantant. Sa musique, néanmoins, n'était pas de nature à chasser la mélancolie. Il traînait des sons lugubres et détonnait avec tant de tristesse que Saint-Aubert eut peine à reconnaître une hymne de vêpres adressée à son patron. Ils continuèrent, abîmés dans ces rêveries profondes où la solitude et la nuit ne manquent jamais d'entraîner. Michel ne chantait plus. On n'entendait que le murmure du zéphyr dans les bois, et l'on ne sentait que la fraîcheur. Tout à coup, le bruit d'une arme à feu les réveilla. Saint-Aubert fit arrêter. On écoute. Le bruit ne se répète pas, mais l'on entend courir dans les halliers. Saint-Aubert prend son pistolet. Il commande à Michel de doubler le pas. Le son d'un corps fait retentir les montagnes. Saint-Aubert regarde et voit un jeune homme s'élancer dans la route, suivi de deux chiens. L'étranger était mis en chasseur, un fusil en bandoulière, un corps à sa ceinture, une espèce de pique à la main, donnait une grâce particulière à sa personne et secondait l'agilité de sa marche. Après un moment de réflexion, Saint-Aubert fit arrêter et l'attendit pour l'interroger sur le hameau qu'il cherchait. L'étranger répondit que le village n'était plus qu'à une demi-lieue, qu'il s'y rendait lui-même et qu'il allait être leur guide. Saint-Aubert le remercia, et, touché de ses manières franches et simples, il lui proposa une place dans la voiture. L'étranger le refusa, en l'assurant qu'il suivrait bien les mules. « Mais vous serez mal logé, » ajouta-t-il. « Les habitants de ces montagnes sont de pauvres gens. Non seulement ils n'ont pas de luxe, mais ils manquent de mille choses qu'ailleurs on juge indispensables. » « Je m'aperçois que vous n'êtes pas du pays, » dit Saint-Aubert. « Non, monsieur, je suis voyageur. » L'équipage avança, et l'obscurité s'augmentant, fit mieux sentir l'utilité d'un guide. Les sentiers qui s'ouvraient de temps à autre dans les montagnes eussent ajouté à leur perplexité. À la fin, on distingua les lumières du hameau. On vit quelques masures, ou plutôt, on les discerna au moyen du ruisseau qui reflétait encore la faible clarté du crépuscule. L'étranger s'avança, et Saint-Aubert apprit qu'il n'existait là ni auberge, ni maison publique d'aucun genre. L'étranger s'offrit à chercher un asile. Saint-Aubert le remercia, et comme le village était fort près, il descendit pour l'accompagner, tandis qu'Émilie suivait dans la voiture. En cheminant, Saint-Aubert demanda à son compagnon s'il avait fait une bonne chasse. « Non, monsieur, répliqua-t-il, et ce n'était même pas mon projet. J'aime ce pays et me propose de le parcourir encore quelques semaines. Mes chiens sont avec moi plutôt pour l'agrément que pour l'utilité. Ce costume, d'ailleurs, me sert de prétexte et m'attire la considération qu'on refuserait sans doute à un étranger, sans occupation apparente. « J'admire vos goûts, » dit Saint-Aubert. Et si j'étais plus jeune, j'aimerais à passer quelques semaines comme vous le faites. Je suis comme vous un voyageur, mais notre objet n'est pas le même. Je cherche la santé encore plus que le plaisir. » Saint-Aubert soupira et se tut un moment. Puis, paraissant se recueillir, il ajouta « Je voudrais trouver une route passable qui me conduisit en Roussillon pour gagner ensuite le Languedoc. Vous, monsieur, qui paraissez connaître le pays, il vous serait possible de m'en indiquer une. » L'étranger l'assura que tous ses moyens étaient à son service, et lui parla d'un chemin plus à l'est, qui devait conduire à une ville, et de là facilement en Roussillon. Ils arrivèrent au village et commencèrent à chercher une chaumière qui pût leur offrir un gîte pour la nuit. Ils ne trouvaient dans la plupart des maisons que la pauvreté, l'ignorance et la gaieté. On regardait Saint-Aubert d'un air timide et curieux. Il ne fallait rien attendre qui ressemblât à un lit. Émilie survint, et observant l'air fatigué et souffrant de son pauvre père, se plaignit qu'il eût pris une route si peu commode pour un malade. D'autres chaumières étaient un peu moins sauvages. L'on y trouvait deux pièces, l'une pour les mules et le bétail, l'autre pour la famille, composée presque partout de 6 ou 8 enfants, couchés comme les pères et mères sur des peaux ou des feuilles sèches. Le jour n'avait d'entrée et la fumée de sortie que par un trou pratiqué dans la couverture, et l'odeur d'eau-de-vie dont les contrebandiers avaient amené l'usage suffoquait presque en entrant. Émilie détourna les yeux et regarda son père avec une tendre inquiétude, dont le jeune étranger parut entendre l'expression. Il tira Saint-Aubert à part et lui fit offre de son lit. Il est commode, lui dit-il, si nous le comparons aux autres, mais partout ailleurs, j'aurais honte de vous l'offrir. » Saint-Aubert lui témoigna sa reconnaissance et refusa d'accepter son offre. Mais l'étranger insista. « Point de refus. Je souffrirais trop, monsieur, répliqua-t-il, si vous étiez sur une peau lorsque je me trouverais dans un lit. Vos refus blesseraient mon amour-propre, et je pourrais penser que ma proposition vous désoblige. Je vais vous montrer le chemin, et mon hôtesse trouvera moyen d'arranger aussi cette jeune dame. » Saint-Aubert consentit enfin, et fut un peu surpris que l'étranger fût assez peu galant pour préférer le repos d'un malade à celui d'une jeune et charmante personne, car il n'avait point offert la chambre à Émilie. Mais Émilie n'en pensera pas de même, et le sourire expressif qu'elle lui adressa montrait assez combien elle était sensible à l'attention qu'il avait pour son père. L'étranger, qui se nommait Valancourt, s'arrêta le premier pour dire un mot à son hôtesse, et l'habitation qu'elle ouvrit ne ressemblait en rien à ce qu'on avait encore vu. Cette bonne femme mettait tous ses soins à accueillir les voyageurs, et ils furent contraints d'accepter les deux seuls lits qui fussent dans la maison. Elle n'avait à leur offrir que des œufs et du lait, mais Saint-Aubert avait des provisions et pria Valancourt de partager son souper. L'invitation fut bien reçue et la conversation s'anima. La franchise, la simplicité, les grandes idées et le goût pour la nature que montrait le jeune homme enchantaient Saint-Aubert. Il avait dit souvent que ce goût pour la nature ne pouvait exister dans une âme sans y supposer une grande pureté de cœur et d'imagination. Il était tard quand Saint-Aubert et Émilie se retirèrent dans leur chambre. Valancourt resta devant la porte dans cette agréable saison. Il aimait mieux cette place qu'un étroit cabinet et un lit de peau. Saint-Aubert fut un peu surpris de trouver près de lui Homère, Horace et Pétrarque, mais le nom de Valancourt écrit sur les volumes lui en fit connaître le processeur.